J'emmerde ces bourrées de flics qui enculent leurs suspects avec leur matraque, qui leur plantent 41 balles au corps, bien protégés derrière le mur bleu du silence. Vous trahissez notre confiance. J'emmerde les prêtres qui rivoient les gosses innocents avant d'aller dire la messe. J'emmerde l'église qui les protège, elle qui prétend nous délivrer du mal. Et pendant qu'on y est, j'emmerde Jésus qui s'en est pas si mal tiré. Un jour sur la croix, un week-end en enfer, et la gloire éternelle avec les anges qui lui chantent de beaux cantiques. Thank you. non. Mais qu'est-ce qu'il prend? Non. Mais ça va pas? Thank you. We'll be right back. dégradation. Thank you. que les champignons, vaut mieux être en extérieur, histoire de fusionner avec la nature. Le bon environnement avec les bonnes personnes. Comme ça, le trip sera vraiment top. Ça ne fait jamais le même. Il y en a qui ont un peu peur, d'autres qui flippent à fond. Mais surtout, il ne faut pas aller contre. Il faut se laisser envahir pour pouvoir redescendre. Redescendre.